الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، نواصل المسير في شرح السنة الإمام البربهاري رحمه الله في شرح العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. أنا عندي صفحة 31. أنتم عندكم صفحة كم؟ 41. أيوة 41. طيب تقرأ بالعربي ثم تترجم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن. كذا عندكم؟ عندكم هذا كلكم؟ شكرا. سامة 104. أيوة. طيب قال المؤلف رحمه الله: وعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. إساش كالله تفصل qu'Allah te couvre de sa miséricorde, que la science n'est pas uniquement l'abondance de connaissances et de livres, mais que le savant est uniquement celui qui suit et s'attache à la science et au sunan, même s'il a peu de science et de livres. Et celui qui contredit le Coran et la sunna est une personne de l'innovation, même s'il a une certaine science et de nombreux livres. On avait page 32, parce qu'en fait j'ai la même, deuxième tome, j'ai la même page que vous. 32 en bas, Ad-Dijla. وقتلوا المقاتل العظيمة وحرقوا الكتب ووضعوها في نهر دجلة. دجلة c'est celui qu'on appelle le tigre, le fleuve, le tigre. À Bagdad. Oui. طيب en bas. Vous avez pas ça? Non. Je me t'ai dit. Oui, bon, c'est pas la même page. Bagdad. Ouais. Dans le chapitre والمؤلف دي ووجدوا من السلطان معونة على ذلك ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوها وأوهنوهما. point. Pas de numéro. Ah voilà, c'est celui d'abord. Quelle page? Page 28. 28, mais le mot. Ça doit être la page 29 alors. C'est quoi? Il y a quoi? L'explication de quelle partie? Nahar Dijla wal Furat. حتى تغيرت في الباساج ويدي ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك. En bas, en fin d'explication, Nahar Dijla. Normalement, vous l'avez souligné, puisqu'on est passé dessus, on n'a pas compris. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas la traduction du mot. والفرات حتى تغيرت بها المياه. Ah, non. Gaiti. Ouais. Attends, moi. Ah, Dijla, mais marqué le tigre, non? Oui. Direct. Tu l'as écrit? Ouais. أيوة صح صح هذا هو. صفحة 28. في البداية آخر بني العباس ابن العلقمي والطوسي. ابن العلقمي والطوسي لدو من الروافد. لدو ابن العلقمي رافضي خبيث، مات سنة 656 ou 674. J'ai trouvé deux dates, 656-674. Je sais pas c'est laquelle. Les deux, Ibn al-Alqami. J'ai trouvé dans une biographie, il est mort 656 et dans une autre 674. C'est quoi le juste? Amma al-Tawsi, Abu Ja'far Muhammad ibn Muhammad. Ma'ruf, Nasir al-Din al-Tawsi min al-Rawafid al-Ithnay Ashriya, les 12. Mosir al-Din. نصير نصير او نصير مصير بالنون 597 ','② └================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ Par exemple, le Khomeini, il dit sur le Tosi Hada, الخميني يدي ويشعر الناس بالخسارة بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأضرابه ممن قدم خدمات جليلة للإسلام. يدي يعني الإسلام أو bien les gens ressentent une énorme perte à travers la perte de cet homme-là, là, الطوسي وأضرابه, c'est-à-dire de ses équivalents, ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام. Les gens qui ont fait d'énormes travail en faveur des musulmans. C'est à cause de Nassoudine Toussi que les Tartares sont rentrés à Bagdad. Tatar. Oui, bon. Et avant un nouveau sous-chapitre où l'auteur dit, quelques pages plus loin, c'est 5 pages plus loin, où là, le rasmu wa a'lamu dalala, qad baqiya minhum qawmun ya'maluna biha. Vous avez ça? Quelle page? Moi j'ai 37. Vous devez avoir, je sais pas, 35, 34. Quel est le passage qui est écrit comme ça? Non. Un tout petit passage où il dit, le mu'allif dit, l'auteur, c'est 3 lignes. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها. Donc c'est la page juste avant. En fait, c'est ce chapitre juste avant. Deux lignes avant la fin. On avait Zahf al-Mulhid. Oui, page 31. Deuxième ligne. Zahf al-Mulhid, c'est tout à la fin. Hein? Zahf, c'est l'avancement. Oui. Ha? On avait écrit avancement. يعني فرد واحد ونظر ماذا عمل على وجه الزحف الملحد في وجه الزحف الملحد ثبت بنفسه. تكلم عن الإمام أحمد رحمه الله. Il dit يعني cette idéologie de Mu'tazila prenait du terrain du chemin, mais l'imam Ahmed il est resté ferme sur ses dires. Qu'est-ce que tu as dit? Zahf. Avancer doucement. هذا هو. Comme الزحف تاع الحيوان مثلا يزحف. Ramper. Ramper. طيب نواصل 104 قلتي ها بوان 104 ترجمتي طيب قال الشارح وفقه الله قوله واعلم رحمك الله ان العلم ليس بكثره الروايه والكتب répète allez et sache qu'Allah te couvre de sa miséricorde que la science n'est pas uniquement l'abondance de connaissances et de livres. العلم ليس بكثره المعلومات والاطلاع وكثره الكتب. العلم انما هو بالفقه وبالاتباع والعمل ولو كان العلم قليلا. Donc il dit la science ce n'est pas un énorme recueil de connaissances et l'ittila bi kathrati al-kutub, le fait d'avoir de nombreux livres, etc. Il dit la science c'est la compréhension, le fait de suivre, d'appliquer, même si ta science elle est minime. Falqalilu min al-ilmi ma'a al-'amal as-salih wa al-fiqh fi dinillah kathir. Il dit quelqu'un qui a peu de science et qui applique en conséquence, il fait des bons actes, eh bien ce sera considéré auprès d'Allah comme étant beaucoup. Wal 'ilmu al-kathir min ghayri 'amal ومن غير اتباع لا فائدة فيه. Il dit quelqu'un qui a beaucoup de science mais qui n'applique pas, il ne met pas en application ce qu'il apprend, il n'y a aucun profit dedans. فاليهود فيهم علماء فيهم أحبار ومع هذا لم ينفعهم علمهم وصاروا مغضوبا عليهم. Il dit les juifs par exemple ils avaient des connaisseurs, des ulama, فيهم أحبار. أحبار c'est العالم. الحبر هو العالم, c'est مشتق من مثلا محبرة, l'encrier, tout ça, parce qu'ils utilisaient كثير من ال ils utilisaient beaucoup d'encre. العالم يكتب وكذا, c'est pour ça que c'est dérivé de ce nom-là. Donc الحبر هو العالم. Donc il dit parmi les يهود, les juifs, il y avait des connaisseurs. Malgré cela, لم ينفعهم علمهم وصاروا مغضوبا عليهم. Malgré cela, Allah les a caractérisés comme étant des gens qui ont encouru sa colère. لأنهم عصوا الله على بصيرة, car ils ont désobéi à Allah connaissant. C'est pour ça Soufiane, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Uyayna? Il a dit man fasada min ubadina fa fihi shabahu min an-nasara wa man fasada min ulama'ina fa fihi shabahu min al-yahud. C'est معروف. Celui qui a dévié parmi nos connaisseurs, nos savants, il a une ressemblance aux juifs. Et celui qui a dévié parmi nos adorateurs, il a une ressemblance aux chrétiens. Parce que les chrétiens ahlu ibada ala jahl et al-yahud ala ilm lakin la ya'maluna bi'ilmihim. طيب قال فليس القصد كثرة العلم. C'est pas ça qui est voulu, beaucoup de science, beaucoup de savoir. وكثرة المطالعات المقصود العمل, le fait d'avoir une énorme connaissance, une large connaissance. وإنما المقصود العمل, ce qui est voulu c'est l'application, la mise en œuvre. هذا هو المقصود بالعلم وهذا هو طريق المنعم عليهم. C'est ça qui est voulu par la science et c'est ça le chemin des gens qu'Allah il a comblé de ses bienfaits. كما قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كما الله إذا دين القرآن guide nous vers le droit chemin, sur le droit chemin, le chemin de ce que tu as comblé de tes bienfaits. وهم أهل العلم والعمل. Et c'est ceux qui ont réuni ces deux caractéristiques, la science et à travers la science ils œuvrent, ils appliquent. غير المغضوب عليهم, non pas de ceux qui ont encouru ta colère. وهم أهل العلم بدون عمل, qui sont ceux qui ont du savoir, qui connaissent mais qui n'agissent pas. ولا الضالين, ni des égarés ou des perdus. وهم أهل العمل بدون علم, et c'est ceux qui œuvrent sans connaissance, sans savoir. فالعلم لا ينفع إلا مع العمل, والعمل لا ينفع إلا مع العلم. L'un ne va pas sans l'autre. La science sans application c'est nuisible, l'application sans science c'est nuisible. فلا بد من اجتماع العلم والعمل, هذا طريق المنعم عليهم. Il faut les deux ensemble, et c'est ça qui va ramener ou guider vers le chemin de ceux qu'Allah il a comblé de ses bienfaits. قوله قول المؤلف رحمه الله تعالى وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب. Mais que le savant est uniquement celui qui suit et s'attache à la science et au sunan, même s'il a peu de science et de livres. إنما العالم من اتبع الكتاب والسنن. Le savant réel c'est celui qui suit le Coran et la sunna, la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. وإن كان قليل المحصول في العلم, même si jamais ce qu'il a acquis, son acquis, le mahsoul, ma hasala min al-ilm, qalil, même si c'est minime, bi khilafi man kana mahsouluhu fil ilmi kathiran, contrairement à quelqu'un qui a un acquis de science considérable ou bien grand, aw indahu kutubun kathira wa mutanawwi'a walakinahu la ya'malu fa hadha la fa'idata fi, quelqu'un qui a de nombreux livres et différents livres dans différents domaines mais il n'applique pas en conséquence, celui-là il n'y a pas de profit à tirer de lui. العلم إنما يكثر ويزكو وينمو مع العمل الصالح. العلم يكثر ويزكو وينمو. C'est-à-dire la science elle sera considérée comme étant grande, comme étant elle se développe. تزكو وتنمو, elle se développe, elle grandit. Hein? يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص من به كفا شددتا. Il dit l'imam al-Albiri dans son fameux poème التائية à son fils. Il dit العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه. Plus tu en dépenses, plus tu en acquiers. Contrairement à toute autre chose, toute autre chose. Plus tu en donnes, plus tu en perds. Hein? أما العلم, plus tu en dépenses, c'est-à-dire que tu te rappelles des choses et peut-être quelqu'un il te donne une faïda, etc. Plus ta science elle grandit. يزيد بكثرة الإنفاق منه. Plus tu en dépenses, plus elle grandit. وينقص إن به كفا شددتا. إن به كفا شددتا. Si tu la limites à toi-même, شد عليها وتكفها عن الناس, tu la gardes que pour toi, elle va s'amoindrir. Donc le cheikh il dit hafidhahullah, il dit yanmu min at-tanmiya, le développement, ça se développe, la science et ça grandit et ça s'éparpille, ma al-amal as-salih, avec l'application. Amma ilmun biduni amal fa huwa manzu'ul baraka wa huwa la yastaqir. Ilmun biduni amal, il dit la science sans acte, sans application, فهو منزوع البركة. منزوع ça veut dire quoi, منزوع? Voilà, déchu de, dépourvu de. منزوع البركة, science sans application elle est dépourvue de bénédiction. Or البركة on a dit que c'est quoi? كثرة الخير وثباته. Hein? On avait dit c'est مشتق, comme il a dit صالح الشيخ في كتاب التوحيد, مشتق c'est dérivé de البركة أو البروك, بروك البعير, le chameau quand il se pose dans un endroit, يثبت في هذا المكان, il se met dans cet endroit-là, il se pose et il ne bouge plus. Ah oui, le birka, c'est un petit étang, là où il y a beaucoup d'eau concentrée dans un seul et même endroit. Al baraka, c'est beaucoup de bien qui est concentré dans un endroit ou dans un lieu ou sur une personne, etc. Donc il dit, la science, sans application, elle est déchue de baraka, déchue de profit, de bien. Wal ulama ala qismain, les savants sont de deux sortes. Al awwal ulama bil lisan faqat, les savants de connaissance, de... avec la langue seulement. الثاني علماء باللسان والقلب وهم أهل الخشية. Il dit la deuxième sorte c'est les savants avec la langue et avec le cœur, et ce sont les adeptes de la crainte réelle. الخوف والخشية الفرق. Les علماء disent dans l'explication des trois fondements généraux que le خشية مقرونة بالعلم, c'est-à-dire تخشى quelque chose, tu crains quelque chose parce que tu la connais, tu sais que par exemple que cette chose-là ou cette personne-là, elle est capable de te nuire, par exemple. قال تعالى, Allah il a dit إنما يخشى الله من عباده العلماء. Dans le verset, il a utilisé le خشية et il a utilisé العلم. Il a comparé les deux. إنما يخشى الله, ceux qui craignent réellement Allah, ce sont les savants. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissent. Fatir, surat 35, verset 28. فَالْعِلْمُ وَالْخَشْيَةُ هُمَا الْعِلْمُ الصَّحِيحِ. La science et la crainte, cette crainte-là qui est engendrée par cette science-là, cette connaissance, c'est la science qui est juste, la science qui est profitable. أَمَّا عِلْمُ اللِّسَانِ بِدُونِ خَشْيَةَ فَهَذَا هُوَ عِلْمُ الْمُنَافِقِينَ. Par contre, la science avec la langue, quelqu'un qui connaît avec la langue, mais il n'a pas de crainte, ça n'engendre pas التقوى, la crainte et la piété, etc. Ça, c'est la science des hypocrites, نسأل الله العافية. قوله قول المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة. قال لأن البدعة هي ما يتقرب به العبد إلى الله من غير دليل من كتاب ولا سنة. Pourquoi? Car l'innovation c'est ce à travers quoi tu te rapproches d'Allah sans preuve. من غير دليل من كتاب ولا سنة. Tu te rapproches d'Allah sans preuve ni du Coran ni de la Sunna. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا حديث عائشة في الصحيحين مردود عليه. C'est-à-dire que ce sera rejeté. فهو رد رد بمعنى مردود فعل بمعنى مفعول مردود عليه عمله وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et celui qui fait un acte qui n'est pas conforme à nos enseignements, ce sera rejeté. Et cette version là elle est chez Muslim من حديث عائشة et le Bukhari l'a rapporté également بدون إسناد. نعم فالذي يحدث البدعة في الصحيح فالذي يحدث البدعة والذي يعمل بها عمله مردود عليه. Celui qui fait une innovation, celui qui introduit une innovation, l'ihdath, c'est pas comme l'amal. L'ihdath, comme on a vu, c'est quelqu'un qui introduit, fait introduire une innovation, et celui qui la met en application. Dans le premier hadith, c'est man ahdatha, celui qui ajoute à nos enseignements quelque chose qui n'en fait pas partie, et dans la deuxième, celui qui fait quelque chose qui ne fait pas partie de nos enseignements, qui ne fait pas partie de notre religion. فالذي يحدث البدعة والذي يعمل بها عمل عمله مردود عليه لأنه يعمل عملا لم يشرعه الله ولا رسوله. Pourquoi? Car il a fait quelque chose que ni Allah ni son messager Muhammad صلى الله عليه وسلم n'ont légiféré. فالله لا يقبله. Allah n'accepte pas cela. ومن ثم قال العلماء عن العمل لا يقبل إلا بشرطين. De cette base là et de beaucoup d'autres textes qu'on a vu à plusieurs reprises, les savants ont déduit la fameuse règle qui dit que n'importe quel acte ne sera pas accepté si ce n'est qu'il y ait deux conditions. Et quand on dit condition dans quelque chose, il faut qu'il soit réuni. Farq bayn al-alamat et al-shart. Al-shart, il faut que les conditions elles soient réunies toutes. C'est-à-dire que quelqu'un maintenant il fait salat, il ne réunit pas toutes les conditions, sa prière elle ne sera pas valide. Sauf s'il est excusé sur une condition quelconque, comme al-tahara, il n'a pas pu la faire, etc. Par contre, al-alama, ça te suffit une. Comme par exemple quand on parle de alamat al-boulour, les signes pour reconnaître quelqu'un qui est pubère. S'il a un signe, il est pubère. On ne va pas attendre que les trois ou les quatre choses elles se réunissent. Amma shart, il faut que les deux, s'il y a deux conditions, les trois, les quatre, les huit, elles soient réunies pour que la chose elle soit conforme. Al-shart al-awwal, al-shart al-usuliyin ils disent c'est ma la yalzamu min wujudihi al-wujud wa yalzamu min adamihi al-adam. C'est très simple. Ça veut dire que si cette condition là elle est là, ça ne veut pas dire que la chose elle est là. Et si cette chose-là elle est absente, ça veut dire que la chose elle est absente. Exemple. Ici on a deux conditions. D'accord? Maintenant on va prendre la première condition qui est l'ikhlas. La sincérité. C'est pas parce qu'il y a l'ikhlas dans l'acte que l'acte il sera valide. La yalzam min wujud al-ikhlas an al-amal sahih. Pourquoi? Parce qu'il y a deux conditions. Il faut que les deux conditions soient réunies. Lakin yalzam min adamihi al-adam. Si cette condition elle est pas là, il n'y a pas d'ikhlas dans l'acte, l'acte il est nul. Araftum? Ça c'est la définition de l'usuliyin concernant al-shart. Vous trouvez ça dans Kutub Usul Fiqh. Il dit al-shart al-awwal, la première condition, l'ikhlas lillah azza wa jal min al-shirk. Que la sincérité dans les actes. Il faut que l'acte il soit déchu de polythéisme, il soit déchu du fait que la personne elle veut la récompense d'autre qu'Allah, etc. Il faut la sincérité pure et nette dans l'acte. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بترك البدع والمحدثات. La deuxième condition c'est que l'acte il soit conforme, il soit sur le suivi du messager Muhammad صلى الله عليه وسلم en délaissant les innovations, en délaissant les hérésies, les nouveautés, etc. Et dit Cheikh Salih al-Fawzan وفقه الله فكل عمل خالطه الشرك فهو باطل. Tout acte qui est mélangé au polythéisme, tout acte qui contient du shirk, cet acte-là sera nul. وَكُلُّ عَمَلٍ أُسِّسَ عَلَى الْبِدْعَةِ فَهُوَ بَاطِلٌ. Tout acte qui a été, أُسِّسَ, je m'en ai fondé. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ dans surat al-Tawbah. كُلُّ عَمَلٍ أُسِّسَ عَلَى الْبِدْعَةِ. Tout acte qui a été fondé, bâti sur l'innovation, فَهُوَ بَاطِلٌ. L'acte sera nul. وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ وَصَوَابًا عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. L'acte doit être sincère envers Allah, conforme à la sunna du messager Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. قوله وإن كان كثير العلم والكتب. Même s'il y a une certaine science et de nombreux livres. نعم. ما دام أنه مبتدع فلا ينفعه علمه. Puisque c'est un innovateur, sa science ne lui est pas profitable. ولو كان غزير العلم متبحرا. Même si c'est quelqu'un qui a le ghazara. Le ghazara, c'est la quantité. Même s'il a beaucoup de science, beaucoup de savoir. Matarun Ghazir, c'est beaucoup de pluie qui a coulé par exemple. Mutabahiran, ça vient de Bahar, quelqu'un qui est comme une mer ou un océan dans une matière par exemple, c'est-à-dire il maîtrise, il est fondé, il est connaisseur dans ce domaine. Le Cheikh dit même si c'est quelqu'un qui est un grand connaisseur, si sa science, sa connaissance, elle le mène à l'innovation, la yinfa', au contraire c'est nuisible. Idha lam yakun muttabi'an lirrasul sallallahu alayhi wa sallam, s'il ne suit pas le messager, عليه السلام وإنما يعمل بقول فلان وفلان فإن علمه لا فائدة فيه. S'il n'applique pas et ne suit pas le messager صلى الله عليه وسلم comme il se doit, mais au contraire il suit un tel et un tel, ce ne sera pas profitable. وكتبه لا يستفيد منها. وكتبه لا يستفيد منها. Donc même ses livres il n'en tirera pas profit. قال الله تعالى عن في اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Allah dit, par exemple, à ce propos-là, dans Surat Al-Jumu'ah, à propos des Juifs, ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah, il a akhir al-ayah jusqu'à la fin du verset. Surat 62, verset numéro 5. Alladhi 'indahu maktabatun bakhma wa huwa tarikun lil'amal aw mubtadi' hadha mithl al-himar yahmilu al-kutub wa la yastafidu minha. Il dit celui qui a maktaba. Librairie, Bahma, je m'en ai. Énorme. Voilà. Grosse, énorme, considérable. Tarik lil'amal mubtadi', quelqu'un qui n'applique pas, qui n'œuvre pas. Il est innovateur. Ou il n'applique pas sa science, sa connaissance. Il est comparable à l'âne qui porte des livres, mais qui n'en tire nullement profit. Les livres, c'est lui qui les a écrits ou là celui qui. Sawan, il les a écrits, Sawan Darasaha. Il va galérer. Cheikh Faisal Jassim, il veut parler de ça, il a dit. Celui qui تعلم ولا يعمل فهذا يكثر من حجة الله عليه. Il fait que de rajouter des arguments à son encontre à lui. Il sait, il est en train de savoir encore plus, il n'applique pas. Et فيما يتعلق بالكتب, il y a des ulama qui écrivent beaucoup. Parmi les grands écrivains qui sont connus, Ibn al-Jawzi rahimahullah, كثير القلم سيال, il écrivait beaucoup. من المعاصرين qui n'ont pas écrit, comme vous avez déjà dû l'entendre, Cheikh Abdallah al-Rudayan. Certains de ses élèves, il dit La yuhad lahu kitab. Il n'a écrit aucun livre dans toute sa vie, il a vécu plus de 85 ans. Il n'a jamais écrit un livre. Et il disait que. Lui donnait des cours Shafawi. Et il disait que peut-être que des cours Shafawi, des cours, c'est-à-dire comme ça, il prend un livre, il explique, ça va faire sortir beaucoup d'écrivains. Non. Voilà. C'est clair ça. قال المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله ان من قال في دين الله برايه وقياسه وتاويله من غير حجه من السنه والجماعه فقد قال على الله ما لا يعلم ومن قال على الله ما لم يعلم فهو من المتكلفين ما لا يعلم ما لا يعلم Et sache qu'Allah te couvre de sa miséricorde, que celui qui parle au sujet de la religion d'Allah avec ses opinions, ses pensées et ses interprétations, sans avoir de preuves de la sunna et des savants, celui-là a certes dit sur Allah ce qu'il ne connaît pas. Et celui qui parle sur Allah alors qu'il ne sait pas, fait partie des gens qui parlent sur la religion sans preuve. Non. الشرح explication قال واعلم رحمك الله كل جملة يصدرها بقوله اعلم من اجل الانتباه لانها مهمه دي شاك فراز كو العلماء ان جينيرال يديز او بيان كو ici le Barbahari رحمه الله عليه il utilise en commençant par اعلم sache c'est quelque chose qui est d'une grande importance c'est-à-dire il veut attirer ton attention sur cette chose-là car c'est important من هنا les savants ils ont tiré le verset dans ma sourate Muhammad sourate al-Qital فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم il a attiré son attention انه لا اله الا الله استغفر لذنبك ces deux versets là qu'on a au début trois fondements فبدا بالعلم قبل القول والعمل قوله من قال في دين الله برايه وقياسه وتاويله من غير حجه من السنه والجماعه فقد قال على الله ما لا يعلم celui qui parle au sujet de la religion d'Allah avec ses opinions ses pensées ses interprétations sans avoir de preuve de la sunna des savants celui-là a certes dit sur Allah ce qu'il ne connaît pas فالدين ليس بالرأي la religion c'est pas à travers l'opinion الدين إنما هو بالاتباع la religion c'est à travers le suivi ليس الدين بالرأي ولا بالقياس il a traduit قياس par analogie ou autre chose opinion il a dit pensée allez voir il dit donc la religion c'est pas à travers l'opinion ou la pensée المراد القياس الفاسد لا القياس الصحيح il dit donc ce qu'il voulait ici par le qiyas comme il l'a traduit plus ou moins la pensée ou bien une analogie qui est faite mais qui n'est pas conforme. Et le qiyas al-sahih, le qiyas al-fasid. Donc il dit فالدين ليس بالرأي ولا بالقياسات ولا بالأفكار. La religion c'est pas je pense ou il m'apparaît que etc. وإنما هو بالوحي المنزل على النبي المرسل هذا هو الدين. Il dit الدين c'est à travers la révélation révélée sur le prophète envoyé. La révélation révélée sur le prophète envoyé, voilà c'est quoi? Voilà c'est quoi? La religion. قوله وقياسه المراد القياس الباطل. Ce qui est voulu ici par la pensée comme ils ont traduit, c'est l'analogie qui n'est pas conforme. أما القياس الصحيح المبني على العلة فهذا من أصول الأدلة. القياس الصحيح, l'analogie qui est juste, qui est fondée sur quelque chose qui réunit les illa et disent القياس هو الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما تقريبا هذا هو التعريف عند الأصوليين par rapport à القياس c'est à dire qu'il y a quelque chose il y a un facteur qui est semblable entre la branche et la racine on va traduire ça comme ça même si c'est pas très clair et qui fait que tu peux comparer celle-là à celle-là. Par exemple, quand ils ont fait une analogie par rapport aux différentes drogues, par rapport à ce qui est rapporté dans l'alcool. L'alcool, ça enlève, ça fait couvre la raison, ça fait ceci, ça fait cela. Ils ont fait une analogie par rapport aux différentes drogues, qu'est-ce que ça fait sur le corps, pour évaluer l'interdiction, est-ce que c'est plus grave, moins grave, etc. Taqriban. Fahada min usul al-adilla. Donc il dit le qiyas, qiyas hada fi khilaf bayna ahl al-ilm, minhum man yaruddahu, comme al-Zahiriya par exemple, il refuse le qiyas. Il refuse l'analogie. Les trois fondements, comme on a vu lundi avec Khalid ou Faqahullah, les trois fondements qui sont Mujma' alayhim, c'est quoi? Le Kitab, le Sunnah ou l'Ijma'. Hein? Amma al-Qiyas, il y a une divergence entre les ulama. Il dit, le Cheikh al-Fawzan, il dit, il y a l'adilla, le Kitab, le Sunnah ou l'Ijma'. Donc, le Kitab, le Sunnah ou l'Ijma', ça n'y a pas de discussion. Le Qiyas, le Sahih, le Mabni, ala l'illa, le Sahih, le Mansous, alayha, ou le Mustambata. Donc, il dit l'analogie qui est conforme. Celle-là aussi, également, on l'utilise. لأن العلة على قسمين. الأول, العلة, علة منصوصة. الثاني, علة مستنبطة. Donc, il dit, العلة, c'est à la قسمين. العلة, si tu veux ici, c'est justement ce qu'on parlait avant. العلة جامعة بينهما. C'est qu'il y a un point. Un lien. Voilà, il y a un lien entre les deux choses. العلة المنصوصة, elle est plus forte que العلة المستنبطة. Pourquoi? Parce que العلة المنصوصة, Mansoussa, ça vient du texte, nas. C'est-à-dire le lien, hada, où là, par exemple, telle chose elle a été interdite pour telle raison, et elle est citée par exemple dans le Coran. Mansoussa, il y a un texte dessus qui vient la citer en elle-même. Amma illa mustambata, c'est quelque chose qui est conclu, qui a été conclu, qui a été déduite, voilà. Déduit par les ulama. Non, j'ai pas d'exemple qui me passe par la tête. Mais Inch'Allah, on verra ça. Ou le chef ou fait Qiyas. Les ulama, c'est sûr, ils ont donné des exemples. Surtout, par exemple, Cheikh Saad, il n'est jamais à court d'exemples parce qu'il a l'habitude de donner des cours dans son fiqh. Je vais voir, inchallah, ça je vais vous le ramener la semaine prochaine. Un exemple sur l'illa al-nususa al-mustanbata. قوله وتأويله المراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل هذا هو التأويل المذموم التأويل donc on a dit التأويل ينقسم إلى أقسام il y a plusieurs sortes de تأويل il y en a trois ici le vrai sens qui est voulu c'est صرف اللفظ عن ظاهره c'est-à-dire un terme et tu lui donnes un sens qui n'est pas conforme à ce que le mot veut dire en apparence من غير دليل comme ils ont fait الأشاعرة ils ont dit اليد C'est quoi l'yed? Puissance. Voilà, ils ont dit c'est le quwa. Donc à la base, l'yed, c'est l'yed. Zahir al-lafd, l'yed, c'est la main. D'accord? Naam? Voilà, naam. Aïwa. Barakallahu fi kay. Ta'bir al-arabi hada. Voilà. Hada huwa ta'wil al-mazmoum. Ça, c'est un ta'wil qui est mauvais. Parce que c'est sarf al-lafd an zahirihi. T'as pris le terme. Tu ne viens pas se donner son sens apparent, mais tu l'as interprété d'une autre manière. قوله ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين والتكلف هو القول في الدين بلا حجة. Il dit celui qui dit sur Allah sans science, fait partie des gens qui parlent sur la religion sans preuve. Voilà, un cheikh il a, si tu veux retraduit en disant, c'est celui qui parle sur la religion sans preuve, sans argument. Calif, il se charge de Tu fais C'est pas celui qui se charge de ce qu'il n'est pas capable. هذا المتعالم. تكلف بشر. تكلف حسب الموضوع. مثلا التكلف للضيف. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التكلف للضيف. تكلف للضيف بعض العلماء ont dit c'est que يعني tu as un invité et tu fais au-dessus de ta charge, au-dessus de ce que tu peux faire. Tu vas aller te stadine, tu vas emprunter au cadre pour bien accueillir ton hôte. Or il t'est pas demandé de faire ça. Tu accueilles comme selon tes capacités, sans exagérer, sans aller au-dessus de l'hajj, au-dessus du besoin, etc. Il y a mushtaqa min hada. Mushtaqa min hada. J'ai fait tarjama de Cheikh Ibn Uthaymeen, les objets quand ils lui ont fait l'interview. Dhakarat hada, il a dit qu'il a quand il stadif wahed, il lui yuqaddim lahum et quand il yuqaddim li ahlihi. Ce qu'il donnait à manger à sa famille, etc. Il lui donnait à l'invité sans chercher à... شفت هم كيزاو الحكام اللي لهم فيزيتي استقبلهم متجلسين كما في جد ابيتود يعني استقبل الناس هذا هو التكلف نعم ici dans le domaine هذا الشيخ dit celui qui parle sur Allah sans science celui qui parle sur Allah sans savoir il fait partie des متكلفين et il dit التكلف هو القول في الدين بلا حجة tu parles sur la religion sans argument sans science tu parles à tort et à travers طيب هذا الموضوع ثاني تروف سا دون سول الفقه لان الراجح يديس كو سي القياس كي بون يسوتيليز الشيخ الالباني له فتوى يدي كو الظاهريه يغوجيت القياس اي دي فوا لو فون سان سافوار لكن هذا موضوع ثاني سي اون با ندخل لا دومين واصل قال المؤلف رحمه الله والحق ما جاء من عند الله عز وجل والسنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان Et la vérité est ce qui vient d'Allah et la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et le groupe ce sur quoi se sont réunis les compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lors du califat de Abu Bakr, de Umar et de Uthman رضي الله عنهم الشرح explication قوله والحق ما جاء من عند الله عز وجل والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن الله في القرآن وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة كلاهما وحي من الله جل وعلا donc tout ce qui est venu d'Allah dans le Coran tout ce qui est venu du messager صلى الله عليه وسلم dans la sunna les deux sans distinction ce sont révélations ça comporte ça compose la révélation الوحي القرآن وحي عن الله والسنة وحي من الله Coran, c'est une révélation émanant d'Allah. Et Sunna, c'est une révélation qui provient d'Allah. Comme قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Surat al-Najm 53 verset 3 et 4. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ضل صاحبكم يعني محمد sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit wa ma yantiqu anil hawa, il ne parle pas sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha, ce n'est parole, ces paroles ne sont que révélation révélée. Al Qur'an yusamma bil wahy al awwal wa as-sunnah al wahy al thani ba'd al Qur'an. Al Qur'an, c'est la première si tu veux révélation, et la deuxième c'est la sunna après le Qur'an. Wa hiya mufassira lil Qur'an wa muwaddiha lil Qur'an wa mubayyana lil Qur'an. La sunna, elle vient clarifier, elle vient démontrer le Coran, l'expliquer. Yann Allah qala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. Nous avons fait descendre sur toi le rappel afin de clarifier aux gens ce qui leur a été révélé. Sourate 16, An-Nahl, verset 44. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam yubayyin al-Quran bi sunnatihi wa 'amalihi wa qawlihi. Le messager explique le Coran à travers sa sunna, à travers ses actes, à travers ses paroles. والمراد بالسنة في اللغة الطريقة. Le mot sunna dans le langage, la terminologie dans la langue arabe, on met yani la religion de côté, le mot sunna, c'est le chemin, la voie. والمراد بها هنا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذه هي السنة عند المحدثين. Donc il dit, et chez les savants du hadith, la sunna c'est ce qui est rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم comme parole, comme acte, ou comme acceptation. Acceptation, bimana, il a vu quelque chose, et il se tait. Soit il l'approuve en disant, ça c'est bien, soit il se tait sans blâmer ou réprouver. Wa inda al-fuqaha, chez les juristes, c'est-à-dire au domaine du halal, haram, wajib, mustahab, etc., ils disent, as-sunnatul mustahabu alladhi yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ils disent, as-sunna, c'est al-mustahab, c'est-à-dire quelque chose qui est recommandé. Ils disent « هذا فرض وهذا سنة » Ça c'est obligatoire et ça c'est sunna. Celui qui le fait, il est récompensé. Celui qui le délaisse n'est pas puni. Donc selon le domaine, selon le livre que tu vas lire, il faut faire attention aux terminologies. Au terme « هذا sunna » Qu'est-ce que ça veut dire dans tel domaine? Qu'est-ce que ça veut dire dans tel domaine? Quand tu lis « كتب العقائد » Les livres de conviction, et tu trouves « sunna » C'est pas comme quand tu vas dans « توضيح الأحكام » « شرح بلوغ المرام » ou bien dans Tessir al-Alam, ce qu'on fait le dimanche, dans les livres de fiqh, Moulakhas fiqhi, ou bien Nail al-Awtar, il te dit, hadhi sunna. Hadhi sunna, c'est recommandé. Il te dit, hadha wajib, ça veut dire que c'est obligatoire. Mais, dans la terminologie générale, tout est sunna, puisque tout fait partie de la voie du messager. Matalan ulama al-hadith, ils vont dire, salat al-jumu'ah sunna. Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il l'a fait. Le prophète, il a dit de la faire, etc. Taïb, ça, on a vu déjà, au début de l'Umat al-Atiqat, si vous vous rappelez. Qawluhu, قول المؤلف رحمه الله مؤلف ونادي لي موركو 329 ونادي هو من تلاميذ الإمام أحمد أخذ عن تلاميذ الإمام أحمد il a pris de certains élèves de l'imam Ahmed لم يدرك الإمام أحمد puisque l'imam Ahmed il est mort 241 هو ولد بعد ذلك 253 فيما أذكر ça marqué devant. On tout fait 359. 253, Al-Jama'a, c'est ce sur quoi se sont réunis les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam pendant la période du califat de Abu Bakr, celle de Umar et celle de Uthman. Al-Jama'a dans la religion, c'est ce sur quoi les gens qui étaient sur la vérité se sont réunis. وأول الجماعة ومقدم الجماعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, et tout premier, ومقدم الجماعة, ce sont les compagnons du messager صلى الله عليه وسلم, الذين هم أفضل القرون, qui sont les meilleurs des siècles. ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو الجماعة. Ce sur quoi se sont réunis les meilleurs des siècles. Les compagnons du messager, c'est ça le groupe. Ceux qui sont venus par la suite, également. Il dit, celui qui est sur la droiture, la vérité, c'est ça le jama'a. Et même si les gens, la plupart, ou tous, ils sont sur autre que cette voie de droiture, c'est pas considéré comme étant jama'a bil mustalah al-shar'i. ليس المراد بالجماعة الكثرة. C'est pas qu'on est une jama'a, le groupe, c'est-à-dire la masse, la majorité, etc. المراد بالجماعة من كانوا على الحق ولو كانوا طائفة يسيرة. Ils disent qu'ils voulaient par le jama'a, c'est ceux qui sont sur la vérité, même s'ils sont peu. Cheikh Salah al-Sheikh dans l'Ali al-Bahiyya, Sharh al-Wasitiyya, il a eu kalam nafis. Très belle parole sur tafsir al-jama'a. Il a ramené 5 aqwal. 5 paroles. Il en a pris 3 en considération qui vont dans le même sens. Certains qui ont dit que al-jama'a hum al-sahaba, radiyallahu anhum. D'autres qui ont dit que le jama'a hum al-sawad al-a'zam, c'est-à-dire la majorité. Et هذا القول مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي le Mekwa et Abi Mas'ud al-Ansari. Il y a un compagnon qui s'appelle Abu Mas'ud al-Badri al-Ansari et l'autre c'est Abdullah ibn Mas'ud al-Hudali le Mekwa. Les deux ils ont dit que le jama'a c'est la majorité. Al-sawad al-a'zam. Et le Cheikh dit que il veut dire par là la majorité à leur époque à eux. Puisque Abdullah ibn Mas'ud il est mort un peu après l'an 30 et il parlait donc de l'époque des compagnons. Puisque le fitan, elles ont commencé à la fin de l'époque de Uthman. La fin de l'époque de Uthman, c'est Uthman il est mort en l'an 35. Naam. Donc il dit salatat aqwal qui sont à retenir al-qawl biannahum as-sahaba radiyallahu anhum, ce sont les compagnons. Al-qawl qui est sawad al-a'zam, la majorité à l'époque des compagnons, puisque la majorité à l'époque des compagnons, c'est des compagnons. Les khawarij ils ont commencé à apparaître où il y avait des gens qui venaient d'ailleurs qui faisaient partie des tabi'in et donc c'est pas des compagnons. Al-qawl al-thalith hum ahlul hadith ta'alluman wa ta'liman wa huwa qawl al-imam Ahmad. Quand il a été interrogé sur le groupe sauvé, il a dit hum ahlul hadith, il a dit les gens du hadith, si ce n'est pas ahlul hadith, il dit je ne sais pas c'est qui cette fraction. Il y a deux paroles qui sont qu'il a mis le cheikh de côté et je vous ramènerai ça inchallah la semaine prochaine. Kadam Nafis sur ma'na al-jama'a, ça clarifie tout yani. نعم وصل. قال المؤلف رحمه الله ومن اقتصر على السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة رسول الله على السنة ألف لام مستحيل لا ما قلت على السنة أنت قلت على السنة رسول الله صفي مالو زوغي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تتفترق أمتي وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها صلى الله عليه وسلم. فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. Celui qui se suffit de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ceux sur quoi étaient les compagnons et le groupe, il s'est séparé de tous les gens de l'innovation. Il a mis à l'abri son corps et sauvé sa religion si Allah le veut. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma communauté se divisera ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué celui qui sera sauvé lorsqu'il a dit « Celui qui se tient à ce sur quoi je suis moi et mes compagnons en ce jour ». Voilà donc l'éclaircissement et la mise en évidence de cela. La chose claire, la torche éclairante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez garde aux excès et aux exagérations et accrochez-vous à votre religion originelle ». Je galfi falaja. Kana alayhi ashabuhu wal jama'a falaja ala ahl bid'i kulliha. C'est mélangé à eux. Il s'est séparé de tous les gens. Séparé. Ouais. Cherche explication. قوله ومن اقتصر على سنة رسول الله وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها. عاود الفقرة دي. Celui qui se suffit de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ceux sur quoi étaient les compagnons et le groupe, il s'est séparé de tous les gens de l'innovation. من ثبت على هذه الأصول العظيمة. Celui qui reste ferme sur ses fondements. على القرآن وعلى السنة وعلى ما كان عليه جماعة المسلمين وهو الإجماع للحق فإنه يفلج على أهل الباطل يعني يخصمهم ويكون معه الحق دونهم ولو كانوا كثيرين. Il dit celui qui reste ferme justement sur ses fondements, le Coran, la Sunna et ce sur quoi étaient la jama'a, jama'a al-muslimin, donc c'est l'unanimité sur la vérité. Il dit donc, donc il dit yafluju à propos de yafluju, qui est, le frère l'a traduit par séparé. Il dit yarsimuhum wa yakunu ma'ahu al-haq dunahum. C'est-à-dire, il va les quitter à cet endroit-là, où il va se séparer d'eux, où la dispute, elle va être tranchée ici, car la vérité sera avec lui, dunahum. Et eux, ils n'auront pas cela. Voilà aucun de Kathirin. Même s'ils sont en masse, nombreux. قوله واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. Il a mis à l'abri son corps et sauvé sa religion si Allah le veut. Celui qui est sur le Coran et la Sunna avec la masse des musulmans, jama'at musulmans, c'est sur la vérité, il a épargné, il a mis à l'abri son corps, sa religion, même s'il est tout seul. وأيضا ينتصر على أهل الباطل بالحجة والبرهان. Également, il va prendre le dessus, il va être secouru sur les gens de tort, bil hujjati wal burhan, car il a l'argumentation, il a les preuves. Yannahum laysa indahum illa shubuhatun wa tazyif. Eux, ils n'ont à leur côté que des équivoques et des embellissements. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fil hadith, hadith fil sunan, sataftariqu ummati. Ma nation va se diviser. الرسول عليه السلام أخبر خبرا معناه التحذير. Le prophète صلى الله عليه وسلم a informé, mais cette information contient une mise en garde. Il informe de quelque chose qui sous-entend une mise en garde. يخبر عن المستقبل وما يحدث من أجل مصلحة المسلمين أن يكونوا على بصيرة. Donc il dit, il informe à propos de l'avenir, à propos du futur, ce qui va se passer dans l'intérêt des musulmans. مصلحت من أجل مصلحة المسلمين أن يكونوا على بصيرة pour qu'ils soient sur une clairvoyance, pour qu'ils soient sur une connaissance, sur un savoir. فأخبرهم أنه سيحصل الاختلاف ويحصل تفرق. Il leur a dit, il va y avoir divergence, division, fraction. لأجل أن إذا حدث هذا أن يكونوا على بصيرة. Afin que, quand ces choses-là vont se passer, qu'ils soient sur une clairvoyance, ils sachent quoi faire. وأن يأخذوا حذرهم prennent leur garde ولا يغتروا بكثرة المخالفين والمنازعين et qu'ils ne se laissent pas tromper par le grand nombre de divergents, le grand nombre de personnes qui sont sorties de la voie première. والمنازعين, c'est ceux qui ne sont pas d'accord. ينازعوا في الأمر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والنازعات غرقا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Tout ça c'est tiré de la même racine. وَلَا يَزْهَدُوا فِي الْحَقِّ. Faut pas qu'il délaisse la vérité. فَهَذَا مِنْ نُصْحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ou bien, l'amoindrir la vérité en disant on n'est que minime, on n'est que peu, là. Oui. Faut pas qu'il l'amoindrisse ou bien il la délaisse. Ou bien il la considère comme étant, puisqu'on est, on est peu, il y a beaucoup de mukhalifin, il y a beaucoup de kala, tu commences à amoindrir la vérité. فَهَذَا مِنْ نُصْحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِلْأُمَّةِ. Ça fait partie du conseil du messager sallallahu alayhi wa sallam à la communauté. في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال, حديث العرباض بن أبي داود الترمذي dans d'autres recueils encore, قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فوعظنا موعدة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc le hadith معروف. Il dit l'Irbad رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم صلى بنا, c'est-à-dire il a dirigé la prière de As-Subh, la prière du matin. Puis il nous a exhorté une exhortation qui a fait couler les yeux, qui a fait couler des larmes, yani, et qui a attendri les cœurs. Le wajal, c'est نوع من أنواع الخوف. D'accord ? وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Dans au début de Surat l'Anfal. Ils ont dit au messager d'Allah, on a dit plutôt. Il raconte, il dit, on a dit au messager d'Allah. On dirait l'exhortation de Mouaddi', de quelqu'un qui va nous quitter, quelqu'un qui fait ses adieux. فأوصنا, recommande-nous, donne-nous des recommandations. Il a dit, je vous recommande la crainte d'Allah et le fait d'écouter et d'obéir, même si ta'ammara alaykum abd ta'ammara yani yusbih alaykum amiran, même si c'est un esclave qui vous dirige. فَإِنَّهُمْ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ Celui qui vit parmi vous verra d'énormes divergences. Attachez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés, après moi. Attachez-vous-y pleinement et mordez-y à pleines dents. Et attention aux nouveautés, car toute nouveauté est innovation et toute innovation est égarement. Et dans la version de l'imam al-Nasai, rahimahullah, tout égarement est en enfer. فَأَخْبَرَهُمْ صَلَى اللَّهُ سَلَّمْ أَنَّهُمْ سَيَحْصُلُ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ مِنْ بَعْدِهِ Donc il leur a dit, après moi, il va y avoir d'énormes divergences. ثم أوصاهم عند حصول اختلاف أو حصول الاختلاف أن يتمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Puis il leur a recommandé, il leur a recommandé que lorsque cette divergence là va se produire, de s'attacher fermement à la sunna du messager. فإنها هي النجاة من الفتن. Car c'est la voie de sauvetage quand il y a des fitan, la zizanie, des problèmes, des discordes. Ou l'isma min al-iftiraq wa al-dalal. C'est ça qui va protéger, qui va mettre à l'abri la personne de la divergence et de la division. ثم ايضا اخبر في حديث اخر ان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. Dans un autre hadith, il a cité que la nation allait se diviser en 73 groupes. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. Il a dit, ce sont ceux, cette fraction-là qui sera sauvée, ceux qui sont sur ceux sur quoi moi je suis, en parlant de lui, alayhi salatu wassalam, et mes compagnons. هذا هو الذي ينجو عند الافتراق من الضلال. Voilà celui qui va être ينجو من النجات, qui va être sauvé lors de la fraction, lors de la division. Il va être sauvé de l'égarement, de la perdition. وينجو من النار يوم القيامة. Il va être sauvé de l'enfer le jour de la résurrection. هو من كان على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. Il est sur la voie du messager, la voie de ses compagnons nobles. فهذا هو النجاة, فهذا هو المنجاة من الفتن والافتراق. فالاثنتان وسبعون فرقة كلها في النار إلا من تمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. 72 fractions en enfer, sauf ceux qui sont, la fraction sauvée, celle qui est rattachée, qui s'est cramponnée à ce sur quoi le messager était. ودخولهم النار يختلف. Leur entrée en enfer, et d'une manière, c'est pas sur un même degré. فمنهم من يكفر ويدخل النار مع الكفار مخلدا فيها. Ceux qui ont atteint le cap de la mécréance, البدعة المكفرة, dans ce cas-là, ils seront avec les kuffars, avec les mécréants, puisqu'ils ont passé le cap de la mécréance, pour y demeurer éternellement. ومنهم من يفسق ويدخل النار مع العصاة ويعذب فيها ثم يدخل الجنة بعد ذلك. D'autres, من يفسق. يفسق الفسق هو الخروج خروج فسق أي خرج الله يهدي دون كهف سيكون بيخسي مع الشيطان ففسق عن أمر ربه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أي خرج عن أمر ربه إلي sorti de l'ordre de son Seigneur. الفسق منهم من يفسق, des gens qui vont sortir de l'obéissance du Seigneur. ويدخل النار مع العصاة, ils vont rentrer en enfer avec les pécheurs. العصاة, ça vient de معصية. Mais يعذب فيها ثم يدخل الجنة بعد ذلك. عقيدة أهل السنة والجماعة, c'est que le pécheur il rentrera au paradis tôt ou tard. Donc ça veut dire parmi les groupes égarés de 73, il y a des pécheurs aussi, même s'ils sont sur عقيدة أهل السنة والجماعة. Ah oui. Récemment, c'est pour ça, j'étais pas sûr. Ouais, c'est حسب كنت أنا 73 هم. Parce qu'une fois j'avais dit une fois quand j'ai cherché un thème qui disait que tant que t'es sur la bonne عقيدة et tout ça. أنت تهدر على المعاصي. أنا اللي نعرف إن إذا كانت العقيدة سليمة، إلي pas menacé par دخول النار dans ce hadith là. Mais il est menacé par دخول النار dans les versets. Celui qui désobéit à Allah, أنه tu vois, il est ma bien تحت المشيئة. إما أن يغفر الله له إما أن يعذبه. Oui, متمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يعني surtout dans le domaine de la conviction, dans le domaine des innovations, ou akid annana ma'asi tadkhul. Wallahu a'lam, mais j'ai toujours entendu les ulama, quand ils arrivent à ce hadith-là, ils expliquent bid'a, bid'atan. Il y a le bid'a mukaffira, bid'a ghayr mukaffira. Donc ils font la différence entre ça. Mal ma'asi, Allahu a'lam. Si les smat, hada huwa. Al-'ilmu 'indallah. Qal, wa fik barakallah. Fa kawnuhu aw kawnuhum kulluhum fi an-nar la yadullu 'ala kufrihim, wa innama yadullu 'ala al-wa'id ash-shadid في مفارقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il dit le fait qu'ils soient en enfer, ça ne prouve pas qu'ils sont sur la mécréance. Tous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en enfer, qu'ils sont tous mécréants. Mais c'est une lourde menace pour quelqu'un qui quitte, ou qui, mufaraqat sunnat al-Nabi sallallahu alayhi, qui quitte le chemin du messager. فَمِنْهَا مَا هُوَ كُفْرْ وَمِنْهَا مَا هُوَ ضَلَالْ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَعْصِيَةْ وَكُلُّمْ بِحَسَبِهِ. Le Cheikh ramène les trois. Il dit, il y a mécréance, il y a dalal, donc innovation, perdition dans la religion, etc. Et il y a péché, كُلُّمْ بِحَسَبِهِ. Chacun il a son degré. Le kufr est plus grave que le bid'a et le ma'siya. Le bid'a est plus grave que le ma'siya. Et le ma'siya, elle vient aussi prendre son rôle. قَوْلُهُ فَهَذَا وَالشِّفَاءُ وَالْبَيَانُ وَالْأَمْرُ وَاضِحٌ. Donc il dit, voilà donc l'éclaircissement et la mise en évidence de cela. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركنا دون أن يبين لنا المستقبل. بين لنا صلى الله عليه وسلم المستقبل الذي أطلعه الله علينا. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il ne nous a pas laissé. Hein? J'ai pas compris qu'est-ce que tu as dit. Ah oui, أطلعه الله عليه. C'est-à-dire que 72 groupes en fait ils auront un feu. Ça veut pas dire que parmi les gens du groupe sauvé. Il y en a pas qui iront au feu pour leurs péchés aussi. Oui, bien sûr. Quelqu'un en groupe sauvé, il peut aller aussi en enfer à cause des péchés qu'il a fait. Et Allah ne lui pardonne pas, il le châtie dans l'enfer. Ça, c'est possible. Et quelqu'un ne peut pas dire, moi j'ai une bonne conviction, et après je fais tous les péchés que je veux. C'est pour ça les innovateurs, quand ils disent, ouais, vous, quand vous dites fraction sauvée, ça veut dire, c'est comme si tu étais au paradis. Tu lui dis non. Tu dis, moi, ce sur quoi, les fondements sur quoi je suis, c'est les fondements des gens que le messager, il a dit que ces gens-là, ils sont sauvés. On combat le shirk, on combat le kufr, on combat l'hypocrisie, on combat le bid'a, on combat le ma'siya. Après chaque personne, général, en fait. Voilà, le manhaj il est bâti sur ces fondements-là. Tu vois ? Amma les autres manhaj, le manhaj de kada, le manhaj de kada, ils disent l'aqida on s'en fout, c'est pas notre problème. D'autres ils te disent le shirk, c'est pas grave. Il faut qu'on soit beaucoup. Et ça c'est pas le manhaj des gens qui vont être sauvés. Tu vois ? Après chaque personne bihasabiha. Si une personne elle vient, elle fait tous les kabaïr possibles et tous les petits péchés possibles, mais il évite les innovations et les trucs. Il dit, moi je suis promis au paradis, il fait une grande erreur. Tu vois ? Il faut être entre la peur et l'espoir. Ses fondements ils sont bons, mais comme on a dit avant, il faut l'application derrière. Non, mais. Ça y est. وأهملت واجبات بعض الناس يعني كي يخطوا شوية الأمور كما كان يعني كما قلت يعني يقول لك أنا يعني من الفقه النجية ويعني اعتقاد ولكن مع الأسف العمل ويوم القيامة يعني قضية يعني موازين صحيح. يعني هي دي بريوريتي مي il faut pas être à l'amn min makrillah, faut pas être se sentir à l'abri يعني du si tu veux du stratagème d'Allah. نعم. Aussi, les 72 autres, ils sont menacés. Oui. C'est-à-dire, c'est pas. Ils finissent avec des guéris, forcément, ils vont rentrer dans ça. Trop d'inflation, c'est fait. Oui, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça. Non, c'est la personne, Khali Amin al-Shirk et tout ça. Le bid'a, تحت المشيئة. Si c'est pas une bid'a mukaffira, تحت المشيئة. Soit Allah lui pardonne, soit Allah il le châtie. Ça rentre dans le. Même le Qahtani, le Matakallam an. قتلت عثمان. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان. Il dit, ne rentre pas dans ce qui s'est passé entre les compagnons le jour où les deux fractions se sont rencontrées. بسيوفهم يوم التقى الجمعان. فقتيلهم منهم وقتيلهم لهم. Il dit, celui que القتيل, c'est celui qui a été tué. والقاتل, c'est celui qui a tué. Il dit, وكلاهما في الحشر مرحومان. Les deux fractions, c'était des compagnons, les deux ils seront sous la miséricorde d'Allah. وَيْلُ لِمَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ فَإِنَّهُ قَدْ بَاءَ مِنْ مَوْلَاهُ بِالْخُسْرَانِ. On parle de Uthman d'abord. وَيْلُ لِمَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ فَإِنَّهُ قَدْ بَاءَ مِنْ مَوْلَاهُ بِالْخُسْرَانِ. Là. دَعْمَ مَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي الْوَغَى بِسُيُوفِهِمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَقَتِيلُهُمْ مِنْهُمْ وَقَاتِلُهُمْ لَهُمْ وَكِلَاهُمَا فِي الْحَشْرِ مَرْحُومَانِ وَاللَّهُ يَوْمَ الْحَشْرِ يَنْزِعُ كُلَّ مَا تَحْوِي صُدُورُهُمْ مِنَ الْأَضْغَانِ. Il a dit malheur à ceux, le groupe qui est venu et qui s'est réuni sur Uthman et qui se sont réunis sur un péché. Ils l'ont tué. malheur à celui qui a tué le Hussein, Hussein ibn Ali. Qad ba'a min mawlahu bil khusrani. Il risque d'être perdant de la part de son Seigneur. Après, il dit lasna nukaffiru musliman bi kabiratin. On ne dit pas que ceux qui ont fait ça, kanu min ahl bid'a. On ne dit pas que ceux qui ont fait ça, ils ont fait un grand péché. On ne dit pas que c'est des mécréants. Allahu du afwin wa du ghufrani. Il dit Allah, il est doté de pardon, il est doté de miséricorde, de tajawuz et de pardon. Donc hadou, hatta ahl bid'a hadou qui n'ont pas passé le cap de la mécréance, ils sont tahta al-mashi'a. Wallahu a'lam. وهذا مقرر في كتب العقائد سي تري كونو يعني ce domaine là. C'est pour ça que les ulama décomposent bid'a en deux. Sinon il n'y aurait pas de profit de décomposer le bid'a en deux si les deux rentrent dans le cadre de celui qui n'a pas de voie de sauvetage. Il dit فهذا هو الشفاء والبيان والامر الواضح الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركنا دون ان يبين لنا المستقبل. Le prophète il nous a pas laissé alayhi salam sans nous montrer l'avenir. Il dit, c'est-à-dire bien comprendre qu'est-ce qu'il dit, بين لنا صلى الله عليه وسلم المستقبل الذي اطلعه الله عليه. Il nous a montré l'avenir qu'Allah lui a montré. Pourquoi? Parce que le prophète il connaît pas l'avenir. C'est quoi le dalil qu'il ne connaît pas l'avenir? Si je connaissais l'avenir, j'aurais fait en sorte d'amasser un maximum de... Il y a plein de dalils qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas l'ghaib. Dans un hadith, il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la ya'alamu l'ghaiba illallah, tout simplement. Il a dit, ne connaît l'ghaib. Le Cheikh Hafid al-Hakami l'a ramené dans les 200 questions-réponses sur l'aqidah. Ne connaît l'ghaib que Allah seul. Cheikh Abdel Hassan Abbad, il cite, qissat l'ifk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté des jours et des jours, avant plus d'un mois. Wa huwa mahmoumun mahmoum. C'est-à-dire, il se posait des questions sur Aïcha, elle a fait zina, elle n'a pas fait, elle a fait zina, elle n'a pas fait. S'il savait, le ghaib, il ne serait pas dans cet état-là, à attendre que le wahi descende, et il descende pour affirmer, ou bien affirmer qu'elle a fait ça, etc. Il y a plein de dalils qui montrent qu'il ne connaît pas le ghaib. Donc le cheikh, il dit, الذي أطلعه الله عليه علم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا dans surat al-jinn. Allah, il montre le ghaib à personne. Illa man من يرتضى من الرسول, sauf celui qu'il a choisi ou celui dont il a été satisfait parmi ses messagers. Messager, c'est le messager. Le malaki, le messager humain, voilà. Humain. Non. L'être humain ou l'ange. Il y a des choses qu'il a montrées à des anges, il y a des choses qu'il a montrées aux messagers. Min ajli an nakuna ala basira. Pourquoi nous a cité tout ça? Et ça, c'est min alamat an-nubuwwah. Ça montre sa prophétie, justement la caractéristique véridique de sa prophétie. Pour qu'on soit sur une clairvoyance. Wa hada min nushihi wa shafaqatihi sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie de son conseil de shafaqa, c'est-à-dire de la tendresse, la clémence qu'il avait envers la communauté, la pitié qu'il avait envers eux. Fi annana 'indi fi annana 'inda huduth al-ahwa wal-iftiraq fa innana nalzamu al-haqq wa nasbiru 'alayhi. Quand il y a justement division, passion qui commence à apparaître, la division de la nation, etc., on reste rattaché fermement à la vérité. Il dit, on reste sur cette chose-là, sur cette vérité-là, et on s'y cramponne fermement. Allah dit dans surat Zukhruf, fastamsik. Les ulama, ils ont beaucoup mis l'accent sur ce verset. Ils ont dit, fastamsik, c'est plus grand encore, c'est plus fort que fatamassak. Fastamsik billadi uhiya ilayk. Rattache-toi, cramponne-toi fermement à ce qui t'a été révélé. Ça a plus de sens que fatamassak billadi uhiya ilayk. Donc il dit qu'il est le matin et le manar le mustamir. Donc Allah. La chose claire, la torche éclairante. اقرا الفقره التي قبلها. Celui qui se tient à ce sur quoi je suis moi et mes compagnons en ce jour. Voilà donc l'éclaircissement et la mise en évidence de cela, la chose claire, la torche éclairante. La torche éclairante, le manar mustamir, ça vient de nour. Hein? Le manar, le mustamir, ça vient du mot nour. Kanu من عادتهم يضعون شيئا مرتفعا ويضعون عليه النار. À l'époque, leurs habitudes, leurs traditions, ils mettaient quelque chose en hauteur, ils mettaient le feu au-dessus. من اجل ان يهتدي المسافرون ويوضع هذا في البحار من اجل ان تهتدي السفن. Mettaient ça en hauteur pour que les voyageurs ou bien les navires ils se guident à travers cela. ومنار الاسلام هو الكتاب والسنة. La lumière à travers laquelle on agit et on émane, à travers laquelle on va agir et se guider, c'est le Coran et le Sunna. فمن سار على هذا المنار نجا ومن ترك هذا المنار هلك إما في بر وإما في بحر لأنه في متاهات فهذا مثل واضح للتمسك بالحق. Il dit, Celui qui marche selon cette lumière-là sera sauvé. Et celui qui délaisse cette lumière-là, eh ben, il va être perdu. Halak. Il est voué à la perdition. Imma fi barr wa imma fi bahr. Qu'il soit dans la mer ou qu'il soit sur la terre. Yannahu fi matahat. Car il est dans le matahat. Matahat, yani, il est perdu, si tu veux. Il n'est pas dans un chemin qui est éclairé. Donc, ça, c'est un exemple clair sur le fait de se rattacher fermement à la vérité. Qawluhu qala al-mu'allif wa iyyakum wa ta'ammuq wa iyyakum wa tanattu'. Prenez garde aux excès et aux exagérations. التعمق والتنطع هو الغلو والتشدد في الدين مثل الذي يقول أنا أصوم ولا أفطر والذي يقول أنا أصلي ولا أنام والذي يقول أنا لا أتزوج النساء ويتبتل هذا سيرابورتي في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه les trois compagnons qui sont venus des zawjat النبي صلى الله عليه وسلم حديث معروف موجود في بلوغ المرام vous pouvez le relire dans كتاب النكاح chapitre sur le mariage donc il dit l'exagération le fait d'être extrémiste dans la religion que tel que celui qui dit je jeûne et je ne romps pas ou je prie et je ne dors pas la nuit et je ne me marie pas avec les femmes. Oui, tabattal. Tabattal, c'est tark al-zawaj ta'abboudan. Il y a des gens, ils ne se sont pas mariés. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ils ne se sont pas mariés. Nawawi, ils ne se sont pas mariés. Adad ibn al-ulama, ils ne se sont pas mariés. Mais, fark entre quelqu'un qui fait ça et quelqu'un qui fait ça par adoration. Il fait ça, il adore Allah à travers cela. Parce que le compagnon, quand il a dit ça, radiyallahu anhu, il a dit, an la tazawwaju an-nisa, c'est le tafarrugh lil-ibada. Il voulait s'adonner que à l'adoration. Comme les autres, ils ont dit, moi, je prie pas, je dors pas la nuit. L'akhar, il a dit, je ne romps pas mon jeûne. Il y a des soufis qui prêchent ça aussi. Ouais. Soufi al-haq. Soufi al-haq. Tayyib. Raddahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghadiba ala man qalahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté cela. Il y a des sermonnés et il a rejeté cette idéologie. Wa bayyana annahu sallallahu alayhi wa sallam ja'a bil wasat. Il a montré qu'il est venu avec le caractère médian qu'il faut suivre. Yusalli wa yanam wa yasum wa yiftar alayhi salatu wa salam wa yatazawwaj an-nisa. فمن رغب عن هذه السنة فإنه تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا حديث أنس إلا غمني عند البخاري ومسلم إلا غمني أبدا لا مرجع والبوية donc c'est le hadith qu'on citait avant donc il dit فالرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من المتنطعين والمتغالين في العبادة والمتشددين وأمر بالتوسط وضرب لذلك مثلا بسنته وما هو عليه صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم a désavoué les متنطعين c'est-à-dire ceux qui exagère, comme c'est rapporté عند مسلم حديث هلك المتنطعون حديث في صحيح مسلم في كتاب العلم من حديث عبد الله بن مسعود هلك المتنطعون هلك المتنطعون trois fois ceux qui exagèrent ils sont voués à la perdition ceux qui exagèrent sont voués à la perdition etc والمتغالين متغالين من الغلو في العبادة والمتشددين من التشدد donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a rejeté cela il a ordonné d'être médian il a donné Le caractère médian, c'est sa sunna. Ensuite, il conclut en disant « Qawluhu alaykum bidinikum al-atiq » Restez attachés à votre religion ancienne, antique. Originelle. Al-atiq huwa al-qadim. Wa liyattawafu bil-bayt al-atiq. En parlant de Kaaba, dans surat al-hajj, c'est al-qadim, le bayt al-qadim. Yani al-din alladhi alayhi al-rasul sallallahu alayhi wa sallam bien natruk al-muhdathat wa na'khudha bima tarakana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa al-din al-qadim alladhi jaa bihi al-rasul عليه السلام ونترك المحدثات والاجتهادات الخاطئة التي يحدثها الناس. Reprendre le chemin ancien, le chemin original ou originel, et délaisser les nouveautés qui sont apparues, les efforts différents qui sont apparus des personnes et qui sont faux. وإن كانوا يظنون أنها زيادة خير وأنها زيادة عمل وأنها وأنها. Même s'ils disent c'est un surplus de bien, c'est un surplus de faveur, c'est un surplus de mérite, c'est un surplus de grâce, c'est faux. ما دامت مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا خير فيها أبدا. Si c'est contraire à la sunna du messager, si c'est contraire à l'hadith nabawi ou le manhaj nabawi, c'est pas bon. هذا هو معنى العتيق. C'est ça le sens de العتيق. يعني ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه القدماء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباع التابعين ما كان عليه القدامى من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة. Ce sur quoi était le messager صلى الله عليه وسلم, ses compagnons, les successeurs dans le bien et les générations préférées. ونترك المحدثات والتجديدات المنكرة التي يتراءى لأصحابها أنها خير وهي ليست بخير. On délaisse les nouveautés, les choses qui ont été المبتكرة, les choses qui ont été inventées, l'ibtikar, والابتداع, والاختراع. Tout ça c'est un seul sens. L'innovation, l'hérésie, la nouveauté. C'est-à-dire les gens, ils se laissent entrevoir les uns les autres comme quoi ces choses-là sont bien. وهي ليست بخير. ce n'est pas le cas. النبي يقول صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ça pendant حجة الوداع. je vais vous laisser ce à travers quoi, si vous attachez fermement, vous ne vous égarerez pas après moi le Coran et ma sunna. فأي عمل وأي قول ولا تأخذ وأي قول لا تأخذ به حتى تعرضها الكتاب والسنة. n'importe quelle chose, n'importe quel acte, ne la prends pas jusqu'à ce que tu l'exposes au Coran et à la sunna. فإن كان موافقا للكتاب والسنة فخذ به وإن كان مخالفا فاتركه ولا تلتفت إليه. si c'est conforme au kitab et sunna, prends-le. si ce n'est pas conforme, délaisse-le. تعرفوا الأبيات الشافعي رحمه الله الذي إذا رأيتم الرجل فوق ماء البحر قد يسير أو على الهواء قد يطير ولم يقف على حدود الشرع فاعلم أنه مستدرج وبدعي. si tu vois quelqu'un qui marche sur l'eau ou qui vole dans le ciel et qui ne s'arrête pas aux limites religieuses, la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam, sache que c'est quelqu'un mustadraj, c'est-à-dire Allah il lui donne des choses qui sortent du domaine de l'ordinaire pour que lui il s'enfonce encore en plus dans sa thèse en disant si j'arrive à faire ça c'est que j'ai atteint un certain degré ceci cela, ou bien c'est un innovateur tout simplement. Donc le hudud al-shar'iyya, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Amma binisbal tazkiyat al-khawarij, certains ont demandé à des ulama comment ça se fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit تحقرون صلاتكم الى صلاتهم و sous-estimez vos prières avec ça c'est une éloge envers le khawarij. les ulama je ne sais pas une éloge il a fait leurs éloges en apparence pour pas que les gens se laissent tromper par leurs caractéristiques. quand tu vois quelqu'un كثير العباده ou كثير كذا tu dis subhanallah hada. non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça, ils ont beaucoup d'adoration, ils ont beaucoup ceci cela, et il a dit yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sam. après il a montré la réalité de ces personnes là. donc c'est pas le muwazanat, c'est pas de la balance, il a cité les bons et mauvais caractères, ou là il aura fait des éloges dans ce hadith. Wallahu alam. On va s'arrêter là parce que Qaroub al-Maghrib. Barkani. Ben Barkani, hada. C'est quoi Barkani dans le kitab? Wafaqahu Allah wa hada. Subhanak Allah, Muhammad, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha, Nishadu Allah, ilaha,